C'est en faisant n'importe quoi. On devient n'importe qui. Calme-toi, tu feras ça à Paris, tu passes en Paris. Il est chaud, faut arrêter, il est chaud. Je vais vous expliquer. On va situer la situation. On est à Paris, mais on est en galère. On n'a pas de voiture. Il nous faut une pièce, frais de chez frais, ok, vamos. Si possible, un Mercos. Correct ou pas correct? Le premier tireur de coups francs qui arrive, on lui prend sa voiture. Monsieur, faites coucou. S'il vous plaît. Deux minutes, sur le téléphone. Deux minutes. Monsieur, arrêtez votre caméra. Il est en train de me contrôler. Je vais avoir une amende autant que je finis ma conversation téléphonique. Correct. Correct. Bouge pas, j'arrive dans 30 secondes. Je suis là. Bouge pas. Spécialisé, enveloppé dans la lucarne. Le pied gauche à Adriano et le pied droit à Bécard. Raconte pas tes histoires, cesse de m'y donner. Tout le monde te connaît, t'es cramé, tes crochets sont téléphonés. Yeah, Zama tu pèses, t'as du pèse. Tu roules en grosse Ferrari. Dites-moi les filles, c'est vrai que pour garder un brochon, vous vous lavez pas les cheveux pendant 5 jours? Voyant la dernière fois qu'il y avait un bruit, tu t'es taillé en cavalant. Quand il arrive un instant de repli, formule renforcée. Ça part de la Zama tu rappes, tu soulèves des haltères. Les minots font la misère, balayette à coups de pied par terre. À la télé tu fais le fier dans le terre-terre. J'ai une autre tristesse, mais c'est pas triste. Avec un micro dans la main. Zama, c'est la fin de Zama, tu sapes la race, mais tu ne fais que coffrer. Dernière sape, les poches vides, pas de quoi payer un café. Là, c'est l'opération la plus délicate. Visez que vous êtes peu chaud. Eh oui, ils ont besoin de rafraîchissement. C'est bon, pas où? Ouais, attends. Mais c'est un appartement, Zama, c'est la fin. Sourire, vous êtes filmé. Si tu peines d'affaires, j'ai vendu 2-3 portables, tu te prends pour un homme d'affaires. Pareil, tu connais du monde, tu connais un tel et un tel. Tu t'es venu tout rouge, t'as bégayé quand je l'ai passé au tel. Ah, il est où, Hamon? Il est parti aux États-Unis avec 2-3 portables. Putain, wahed de mytho. J'ai sonné chez lui, sa mère m'a dit. Ah, on est arrivé sur le lieu du tournage, vous allez taper vos meilleures poses et on va shooter. C'est correct? C'est correct! Attends, que les filles. C'est correct? C'est correct! On va shooter! Ça part de là? Encore. Correct. Encore. Allez, c'est parti. Merci, les filles! Voilà. C'est en faisant n'importe qui qu'on devient n'importe quoi. Mais non, c'est à peu près, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient algérino.